avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de vraiment de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Dimanche, le 30 avril 2023, bienvenue à cette édition tout à fait spéciale des Geeks Contre-Attaque, édition, dans le fond, Radioton 2023 et 50e anniversaire de CKRL. Mon nom est Éric Lajoie et je serai avec vous pour les prochaines 90 minutes. Hein? On fait un show de 90 minutes aujourd'hui. Tight. Oui, oui, c'est un show tight, comme ils disent... dans une place qui dit ça. Et je ne le ferai pas seul, bien entendu, parce que non, c'est les geeks contre-attaque devant public. On est dans le cabaret de CKRL au studio pour animer ça live devant tous ceux qui daignent faire se présenter devant nous. Ben oui. Alors tout d'abord, je vous présente mes collaborateurs. On y va. Tout d'abord avec notre critique en cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, Mister. C'est déstabilisant de ne pas être en même place que d'habitude. Hein? Non, hein? À vous, hein, t'as la petite microseconde, je l'ai entendu. J'ai hésité. Moi, je sais, je suis facile à déstabiliser parce que j'ai pas d'équilibre. Oh. Pour ça, je marche avec une canne. Oh. Hein? Et on a également notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut, Mister. Salut tout le monde. Yeah. On a aussi, et là je veux le saluer parce qu'on a un collaborateur spécial, donc à la régie, parce que là on est comme tout assis sur des chaises avec des micros, on n'est pas dans le studio comme d'habitude, la régie, donc c'est quoi son prénom déjà? Samuel Lauzon, voilà, there we go, on le salue, faut pas l'entendre, mais il dit salut. Okay. Bon. Et à la mise en onde, mais avec nous dans le studio, avec guillemets. Le légendaire Mikey G. Légendaire. Même les légendes se promènent dans le Québec, hein. Vous savez, hier, j'étais allé à Victoriaville, aller voir le show d'humour de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. C'était vraiment le fun. Puis on se promenait en ville, moi puis ma copine. T'es arrivé devant un magasin, c'était écrit « Coiffeur pour elle et lui ». Elle m'a regardé, elle a dit « Toi puis moi, on n'ira jamais là ». Ben. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la geektualité. Non, mais tu sais, il aurait pu spécifier le elle et lui. Sais-tu, il pourrait mettre les photos qui fait des babayes et quelque chose. Écoute, moi aussi, je l'ai pas compris la première fois que je l'ai vu. T'es pas tout seul. C'est pas que je l'ai pas compris, je l'ai pas trouvé moi drôle. J'ai pas vu. C'est une joke de grand-mère, les gars, comment? Non, de grand-mère qu'on dit. Mmh, oui, grand-mère. Exact. Alors, hey, pour commencer les geeksualités, je veux le faire de façon chauvine, si vous me le permettez, messieurs. Parce que là, chauvinon, hein? Mmh. Chauvinon. Tout à fait. J'ai annoncé le lancement officiel du livre Le Défilm la semaine dernière, qui va être le 9 mai, donc mardi le 9 mai, dans la chapelle de la Barberie, donc sur la rue Saint-Roch à Québec. Non, vous serez les bienvenus à partir de 18h. Venez prier la Sainte Barbe et achetez-vous un livre. Oui. Et sur leur nouvelle terrasse aussi, je pense, en oui, plus. Effectivement, donc, ça va être le fun. Et on va avoir un rabais à bière pour ceux qui sont là pour l'événement du lancement. Hein? Fait que, hey! Et vous? Ouais, c'est ça. Ils ont pas tiré quelques ivrognes supplémentaires pour les convaincre d'acheter mon livre sous l'effet de la boisson. Tu me regardes en disant ça? Ben là, je regarde ça, c'est dans le vide. C'était juste un... Mais point étant que j'en ai aussi ici avec moi en studio. Donc ceux, les auditeurs qui nous suivent depuis une couple d'années, qui m'entendent, vous m'entendez casser les oreilles avec mon livre depuis je sais pas combien de temps. C'est possible de se le procurer maintenant. Si vous êtes des backers et vous vous déplacez d'ici midi et demi, je peux vous le donner en personne. etc. Je vais être là une partie d'après-midi et on va pouvoir jaser. Puis, ouais, les backers, venez, sinon on le jette aux poubelles. C'est, si ah, ok, moi ouais, j'ai les brûles. Ouais, sinon, non, c'est fini. C'est aujourd'hui. Ça fait une vapeur spéciale. Fini aujourd'hui. T'sais, on fait un rituel avec ça. Puis, prenez note fascinant. Que les capitalistes contre-attaque sont ici jusqu'à 12h30. Faut le racheter, c'est ça. Faut que tu ailles le chercher aujourd'hui, sinon tu le rachètes. Exactement. Et c'est une belle fierté de pouvoir l'avoir avec moi en studio, cabaret, radioton, 50e anniversaire. Je sais pas, tout ça réuni ensemble. C'est le fun. Donc, je lis ici, j'ai une boîte pleine. Donc, ouais, je peux te dire, Eric, qu'ils sont à table de café chez nous. Oui. Et, tous mes invités, là, depuis que je l'ai, donc de la semaine passée, ça oui. J'ai une couple de monde qui sont venus chez nous et ils l'ont tous regardé. Ils ont tous dit des. Comme, hein, c'est donc maintenant. C'est comme. Puis, j'ai pas dit, comme, hein, c'est le livre de mon ami. Là. OK. Il est juste là sur ma table. OK. Puis, tu sais, un gros livre. Puis, là, comme, hein, c'est quoi ça? Puis, ils ont tous feuilleté le livre, regardé. Puis, comme, c'est bien nice. Donc. OK. Très bel job, tu sais, de manière objective. C'est une belle tactique de publicité qu'on a. Toi, étant féru de cinéma, tu laisses juste le livre traîner. Voilà. Et voilà, le travail est fait. Et je tiens à remercier. Merci d'abord pour le compliment, pour mon travail. Mais je veux remercier aussi Véronique Michaud, ma graphiste, qui a fait une grosse partie de la conception graphique du livre, selon mes instructions, mais elle s'est tapée une grosse partie de la job. Là, on ne se fera pas de cachette. Là. Si donc, ce n'était pas de ta passion pour le cube Rubik, tu n'aurais pas cette graphiste-là. C'est vrai. C'est vrai. C'est une histoire assez facile. Répète moi. Ben, j'ai croisé. C'est quelqu'un que j'ai connu à un arrêt de bus parce que je faisais du Rubik Cube. Ah, puis, pour vrai? Oui. Puis elle m'a posé des questions, puis on était sur le même trajet de bus parce qu'on travaillait pas loin, puis nous chômait avec parce qu'on parlait de films dans le bus, puis Eric, réimpressionne-moi et ma mémoire défaillante, quel est ton record de Cube Rubik? Je pense que c'est dans mon prime, il y a quelques années, quand je pratiquais tous les jours, j'étais peut-être à 34 secondes, fait de même. Mais là, je suis retombé peut-être à 40, 45. Disgrâce! Ouais, je sais. Fall from heaven. Jamais retouché un cube Rubik à cause de ça. En même temps, je suis passé à quarantaine. Je suis passé mon prime. J'ai pas été signé dans la saison de grand libre. C'est quel âge la prime des joueurs de Rubik? Je te dirais, si je regarde les records du monde actuels, c'est probablement 13 ans. Là. Non, t'es jeune. Non, mais aller jusqu'à récemment, le record à une main, c'est un Québécois qui l'avait, qui avait genre 11 ans. Puis il l'a fait en genre 6 secondes à une main, là, c'est ridicule. Parlant de Prime, j'ai vu un cube Rubik assez inusité sur Prime. Oh. C'est un cube Rubik tout noir et la seule affaire pour différencier les faces, c'est la texture des côtés. Ah, texture, nice. Ah, la texture. Parce que Mikey m'en a acheté un en cadeau. Que dans le fond, quand tu mets tes doigts dessus, la couleur apparaît. Ouais, c'est ça. Oh. Il est comme thermique. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est un cube Rubik peut-être pour non-voyants. Hein? Avec la texture, une texture différente sur chaque face, c'est accessible clairement plus aux non-voyants qu'avant. Parce que tous les non-voyants, ce qu'ils désirent faire, c'est de faire un cube Rubik. Ils veulent clairement que l'affaire ait de l'ordre visuel. Là, parce c'est ce qui manquait à leur quotidien. j'ai une guéctualité par rapport aux non-voyants. Hein. Oh, ouais. Vas-y. Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont créé un cellulaire avec écran à retour haptique. Qui fait que le OLED se gorge d'eau là où de liquide là où les boutons devraient être. Donc on pourrait se retrouver avec un BlackBerry édition 2024. Ben c'est ça, le clavier des touches, des lettres se mettent en trois dimensions. Okay. Donc, tu sais, c'est parfait pour les aveugles, c'est parfait pour ceux qui veulent avoir un retour haptique pour texter puis tout. Puis non, je suis sûr que rajouter de l'eau dans un écran d'appareil électronique, il n'y a rien qui peut m'aller avec ça. Non. C'est ça, il faut manipuler le téléphone avec des gants en caoutchouc. Parce que eau plus électricité égale danger. Ben oui. Oh. Plaisir égale danger aussi, apparemment, Phil, comme nous l'a dit. Comment qu'elle s'appelait? Quelqu'un, là, dans les années 80 au Québec. Martine Sinclair, merci. Une chance qu'on ait du bon dans le studio pour l'aider. Okay. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, c'est comme là, on a un public, ça fait que tout ce qu'on dit qui est erroné va maintenant nous revenir. Oui, non, mais dans ça me prendrait ça tout le temps. Tu sais, vous dire, notre façon d'animer était passive. Et Guy contre-attaque, spécial 50e anniversaire. Maintenant, avec retour haptique. Hey, passons à Phil est là. Est-ce que tu as des nouvelles funestes? Oui, on a comme passé de rette. Oui, c'est ça. Ah, vas-y. Let's go. J'attendais mon cue, mais c'est ça, rubrique nécrologique, mettons, en l'emporte-pièce. Tout à fait. À l'emporte-pièce, aujourd'hui, contrairement à d'habitude, mon sac n'est pas plein de cadavres. J'en ai juste un. Hein? Fait que c'est Jerry Springer, cette fois, qui est décédé cette semaine à l'âge de 79 ans. à Chicago. Selon la rumeur, il s'agirait d'un cancer du pancréas. Donc, qui a été diagnostiqué. Moi, je dois être dans l'effet Mandela 100% parce que j'étais sûr. Qu'il était déjà mort. Depuis au moins 10 ans. Battu à coup de chaise. Non, mais dans ma tête, là, c'était comme. Toutes les séquences que je voyais, c'était des vieilles affaires. Peut-être que c'est pour ça. Toutes les séquences que je vois, c'est des vieux années 90. Donc, je te j'ai des fun facts pour toi. Pour sur Jerry Springer, il est né en 44 dans le métro londonien, qui servait alors d'abri anti-aérien. Il a essayé d'un stunt en politique, il a été maire pendant un an dans l'État d'Ohio. Fait que il n'est même pas américain, techniquement. Non, il est anglais. Ouais. Il a lancé le Jerry Springer Show en 91. Et puis, au début, c'était un talk show normal. Et puis, pour booster les audiences, c'est là qu'il y a eu l'idée les sujets controversés, laisser le monde parler, laisser le monde s'enfoncer dans leur malaise, et puis laisser les gardes s'occuper de la bisbille. C'est ça, d'incorporer le chaos à son contenu. Tout à fait. Il y a mieux que de pitcher des chaises à du monde en studio par un shape. Tout à fait. Mais à la fin des années 90, cette émission-là, c'était la première des émissions de journée avant Oprah. Et puis, ça battait Oprah. Ben, en termes de code d'écoute. Encore, en termes de code d'écoute. Et puis, l'émission ne faisait plus parler autant d'elle, Conan, depuis les années 2000, mais ça elle a roulé jusqu'en 2018. Ah, oh, ouais. Hein? Je le savais pas, moi non plus. J'ai tombé en bas de ma chaise, puis après ça, je l'ai lancé. Ah. Donc, voilà, c'est quand même notre Je me rappellerai tout le temps des sages paroles de ce saint homme qui, à chaque fin d'émission, et ça va lui survivre, il disait « Prenez soin de vous-même et des autres autour de vous. » Il disait tout ça pour vrai. « Take care of yourselves and each other. » Ça, exactement. Il terminait tout le temps l'émission avec un genre de speech positif. Au public qui essayait de dire, battez pas bien, mais revenez-nous la semaine prochaine. Ça, tout le long, on encourage le chaos, mais après ça, je vais comme essayer de m'excuser à la fin semblant. Pour dire que t'es correct. C'est un peu ça, son modus operandi. Là, mais est-ce que, bon, mais oui, je me rappelle d'avoir vu des émissions. Et là, ça a été traduit en québécois, ça. Je pense que les meilleurs extraits de Jerry Springer Show, c'est les extraits qu'on a vus à douteux à Nin Kazi. Parce que ça passait à télé traduit en québécois. C'est vrai, c'est traduit. À TQS. Hein? Ou d'autres. Ou d'autres. Non, exact. Oui. Le mouton noir de la chaise pitchée. autre chose dans les actualités qui ont attiré votre attention cette semaine? Écoute, on va y aller dans les actualités chauvines. Pourquoi je n'ai pas plus de geektualité à vous présenter? Oui. Vendredi 18h, mon Internet a décidé de me lâcher. Oh! Un technicien se présentera lundi après-midi. Fait que. C'est pour ça que tu expliques ton. T'es sec, là. Parce que t'es. Ben, je n'ai que le LTE sur un téléphone. Je me sens quasiment dans la Jerry Springer era, là. Parce que j'ai pas d'Internet à proprement parler. Et j'avais un invité. Moi, j'avais Ciné Geek, moi, vendredi. Ben non. Rendez-vous la semaine prochaine. Pas pu chercher de nouvelles. Pas pu inviter mon Ciné Geek. En tout cas, ben c'est ça. J'en ai des nouvelles au pire. Sachez que dans le fond, pour ceux qui sont pas au courant, je vais quand même le dire, dans le fond, non seulement on anime CKRL ici, mais aussi Mikey a le penchant Twitch des Geeks Contre-Attaque sur sa chaîne, donc les activités étaient suspendues en fin de semaine. Ben oui. Ça va revenir éventuellement. Oui, vendredi prochain, on va reprendre la programmation habituelle. Et samedi prochain, vous savez que Clone High saison 2 arrive à grands pas. Mm-hmm. Je me tape le marathon de la saison 1 de Clone High que j'ai acheté grâce aux dons faits par mes spectateurs sur Twitch. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué. On va se taper un marathon de Clone High 13 épisodes de la saison 1. Tabarouette. Quand même. Alors, Phil, d'autres choses pour... Écoute, je vais improviser sur le fly pour... Oui. Ben, c'est pas mal la seule façon d'improviser, en fait. Parce que si tu t'improvises, planifié, c'est plus de Tu connais ma technique habituelle. On appelle ça improviser, planifié. Ouais, c'est ça. Avec moins de préparation qu'à l'habitude. Des étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique ont inauguré un bâtiment à empreinte carbone minimale. Ils l'ont isolé avec du béton de chanvre. Eric, matériau fabriqué. Oui, le hempcrete. Oui, j'ai jamais vu ça, moi. Je trouve ça très intéressant. Donc, ça permet de séquestrer le carbone C'est un très bon isolant. Donc, pas de fret qui rentre, pas de chaleur qui se perd, pas de... But that's cool. Whatever. Nice. Non, c'est pas... See what you did here. J'ai essayé, j'ai essayé. Mm-hmm. C'est Mikey qui est bon dans un jeu de mots dans un début d'émission. C'est pas ma job. En tout cas, il paraît que c'est une demande qui explose de plus en plus là, pour le béton de chambre. Déjà, toi, tu en avais entendu parler, nouveau. Le hempcrete, là, ça fait partie. Là, il me semble que j'avais vu qu'il y avait aussi le champignon. Il y avait du béton de champignon, du béton de chanvre. Puis il me semble que... Récemment, j'avais parlé du starcrete. Fait à partir de régolithes, poussière de lune. OK. Ça me dit quelque chose, mais je te dirais que ma mémoire... Ça marque moins l'esprit qu'une maison faite entièrement de drogue. Là. Ben écoute, surtout que si t'en manques, tu peux toujours gratter un peu tes murs, puis ça y est. Remplit bien le bucket. Exact. Hey, on peut-tu faire un sauna? Non? Hotbox ta maison complet, bro. Mais oui, non, effectivement, ça doit être, c'est très léger aussi. Là, souvent, les avantages des affaires en chambre, c'est que c'est super résistant et c'est vraiment ridiculement léger comparé au même rendement pour quelque chose de fait avec de la pierre ou des affaires comme ça. Donc, le hempcrete. Oh my God! Fait le tour de mes nouvelles. Oh, oh ouais. Ça y est, plus de nouvelles. Il est resté assis tout le long. Il y a rien qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre de mort. Oh non! J'ai manqué. Depuis le temps que tu as commencé à parler, il y a quelqu'un qui est mort. Non. C'est une nouvelle. Je l'ai trouvé dans le fond de mon sac. Je pensais que quelqu'un était décédé pour te donner le contenu de la bête besoin. Ouais, exact. Comme, manque de contenu. Oui, on remercie ceux qui meurent présentement pour me donner plus de travail. Bon, ben tout le monde, pincez-vous le nez parce que Phil va sortir un vieux mort du fond de son sac. Ça va pas bien. Donc, il s'agit de Klaus Tauber qui a inventé les colons de Catan. Settlers of Catan. Settlers of Catan, le jeu qui prend 16 heures à expliquer puis 2 heures à jouer avec le monde Satan. Ben, moi, je me tanne à l'explication. Ah oui, non, j'ai jamais joué une game de ça parce qu'à chaque fois, je suis comme, non. Non, non. Legit, il y a quelqu'un qui s'est fâché après moi parce qu'on a starté la game puis qu'à la moitié des explications, j'ai dit non, that's too much, je lâche. C'est comme Risk, mais pour les ultra-nerds. C'est le Cones of Dunshire de la vraie vie. Alors, le monsieur Tauber est mort d'une courte maladie le 1er avril et ce n'était pas un poisson. Le jeu a été traduit en 40 langues et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde. Et c'est sorti en 95 en Allemagne. Non, puis ça a fait partie de la renaissance début 2000 des jeux de société. Il y avait eu un genre de down, puis quand c'est revenu en force, puis beaucoup, on avait parlé d'ailleurs dans les premières saisons de Geek Contre-Attaque, on parlait beaucoup d'accompagner Gladius au Québec, qui avait créé une coupe de jeux, qui avait eu un bon succès. Il y a La Revanche qui est ouverte ici, qui était un bar dédié aux jeux de société. Un bar ludique. Oui, un bar ludique, effectivement. Donc, oui, mais c'est quand même notable. Donc, voilà, c'est Klaus. C'est quoi son nom déjà? C'est Klaus. Le frère de October. Comment? Le frère de Huck. October. Oui, oh, my God! Oui, Conan. Merci, Mikey. Man. Ouch. Là, même pas que mes mots, en plus. Il va falloir que je leur dise la date deux fois un nom. Ouais, non, ouais, ça va être compliqué, là. Mm-hmm. Bon, hey, ben, ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Phil, pour ces deux rubriques nécrologiques ainsi que Guisolité. Merci à Mikey d'être là. Hein? Ouais, tu sais, un petit peu d'eau dans mon moulin. C'est important. Là, ce qu'on va faire, on va tranquillement s'enligner vers une petite pause. Ce qui va arriver après, c'est que là, vous aurez, on va parler à Phil, parce que là, on va enfin faire notre compte-rendu, notre bilan de la saison 3 du Mandalorian. Moi aussi, je suis à jour. Toi aussi, à jour, yes. Et peut-être d'autres choses aussi où on s'en parle, puis on va terminer ça dans une heure avec Conan. Oui. Yeah. Musée à l'encan. Musée à l'encan? Ben oui, musée à l'encan. Donc, restez des neutres. CKRL 89.1, 50 ans de découverte musicale. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. Écoute-moi! Ici Paul André et Lou-Adriane Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Hurlement, d'Alexis Lipsker. J'ai enlevé 5 femmes. Je les fais souffrir, lentement, avec une savante cruauté. Ce n'est que le début. C'est par cette glaçante menace que le célèbre commissaire Venturi se voit défié par un criminel machiavélique qui n'a négligé aucun détail pour concevoir sa machination morbide. Éternel insatisfait et plus pressé que jamais, Venturi se lance alors dans une course contre la montre où l'erreur n'est pas permise. Hurlement est un polar noir à l'intrigue machiavélique et diablement efficace. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous êtes invités au lancement de la collection Méduse comprenant 65 œuvres en art actuel d'artistes de la grande région de Québec. Peinture, sculpture, estampes, vidéo, cinéma, installations multimédia, dessins, photographies, textiles et bien plus. Les galeries de vue, l'œil de poisson, la bande vidéo et Engram seront elles aussi en vernissage. Le circuit Beaumont présentera des œuvres vidéo de la collection toute la soirée. Le vendredi 19 mai 17h au 591 rue de Saint-Vallier-Est. Des visites guidées dès 17h30. Complètement gratuit. Les lots sont nombreux, ils sont là, ils sont 100, ils sont beaux, ils valent de l'argent, mais pas autant que vous le pensez, puisque grâce à l'encan de CKRL, vous pouvez encore profiter de nombreux rabais, c'est-à-dire obtenir des lots pour une valeur inférieure à leur valeur réelle, et c'est le cas notamment encore de certaines œuvres, Louis. Oui, je vais parler des œuvres de Cynthia Coulombe-Bégin, donc le numéro 74, le numéro 75 dans les lots. Donc, deux œuvres d'art abstraites, exploratoires, avec un mouvement circulaire, une belle énergie qui sont dégagées dans ces deux œuvres. Donc, les sentiments magnétiques et Somewhere in Between, deux œuvres de 30 pouces par 40 pouces de Cynthia Coulombe-Bégin. Voilà, c'est bon. J'ai planté les clous dans le mur, on pourra les accrocher. Regarde là, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli là? Merveilleux. Ouais. Ou un peu à droite? Non, juste là. Juste là, ok, c'est beau, on change rien. C'est le lot numéro combien? Les lots numéro 74 et 75. Acteur Studio. Nous avons également, ça tombe bien, l'heure du dîner approche tranquillement, peut-être des idées avec un certificat cadeau d'une valeur de $100 pour Bugle Bagel, d'excellents bagels. D'ailleurs, je te propose, Louli, un petit test. Regarde ce que j'ai là. Oh! Un bon bagel de chez Bugle Bagel. Peux-tu, s'il te plaît, nous le déballer puis le goûter en direct, s'il te plaît? On voudrait savoir ce que tu en penses. Tu seras notre critique culinaire. Alors, tu le sors de son petit sac, là, c'est ce qu'on entend. C'est en direct, vous avez l'image à la radio. C'est sous forme de sandwich avec de la lait dessus, des tomates. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as du mal à reconnaître les ingrédients? Ça a l'air bon. Vas-y, croque dedans. Louli croque dans son fromage. Alors, vas-y, parle la bouche pleine pour voir. Parlez pour vous. Vas-y. Alors, Bugle Bugle, le lot numéro 33, menus actuels de seulement $87, alors qu'il a une valeur de $100. Bon appétit, Louli. C'est bon? Oui, merci. www.ckrl.qc.ca pour miser, puis on parle de d'autres lots d'encan d'ici quelques secondes. Vous restez avec nous, bien sûr. 89.1, c'est CKRL. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Bonjour, nous sommes Adèle, Laure, Charlotte Gore et Marie du Macha Club. Vous écoutez le Radio-Tonton de CKRL 89.1. On est là. Oula. Attends, on va les séparer les trois. Envie de jamais vu, de jamais entendu? Explorez le salon. La nouvelle plateforme de diffusion en art littéraire de la Maison de la littérature et de ses partenaires. Balado, vidéo et autres douceurs pour faire le plein quand vous le voulez, où vous le voulez. Des contenus d'ici, gratuits, qui nourrissent l'esprit. Passez au salon. Alors, Louli a réussi à avaler sa bouchée de bagel, je crois, non? Non, encore un peu, c'est très bon, un bagel bagel. Très bien. On va essayer d'en parler, je vais prendre le relais le temps que tu finis de cette bouchée qui a l'air succulente. On a également le lot numéro 34 dans l'encan CKRL, ce sont des skateboards dessinés par David Rocketship, c'est ça?

sommes de retour pour la suite et non le début des Geekus contre-attaque. Non, c'est ça, donc épisode... J'avais oublié, j'ai fait beaucoup d'oubli tout à l'heure. On s'en vient vieux. C'est tout de ta faute. Je m'en viens très vieux, ça vient compliqué. Tout d'abord, j'ai oublié de mentionner que c'était l'épisode 543. Hein? Des Geeks contre-attaque. Parce que c'est un épisode officiel, on est tous là, on a nos thèmes sonores, pourquoi pas? Hein? C'est, oui, c'est un dimanche exceptionnellement, mais reste que c'est un show Beaux dimanches. Oh, non, c'est wow. Ça. Et la raison pour laquelle on est devant public au cabaret du studio de CKRL pendant le Radioton, mais justement, on est au Radioton et on n'en va pas parler. Je veux juste rappeler aux gens, c'est une occasion spéciale parce que c'est le 50e anniversaire de CKRL. Yes. Le Radioton existe pour ramasser des fonds puisque c'est une radio communautaire qui fonctionne avec les dons de tous ceux qui souhaitent nous encourager. Donc tout d'abord, vous pouvez vous procurer la carte de membre de CKRL qui vous donne accès à un paquet de rabais dans plein de... boutique. Bref, la carte de membre CKRL qui est disponible sur le site web de CKRL.qc.ca. Il y a aussi un encan sur le site internet de CKRL. Vous allez visiter ça et vous allez pouvoir encourager de cette façon-là. Les dons peuvent se faire sur le site ou par téléphone au 88 640 25 75 et vous pouvez le faire en personne. Si vous restez pas loin, auditeur des Geeks contre-attaque, vous pouvez nous voir live. Il vous reste une heure et c'est au 405 3e Avenue. Et vous pouvez acheter de la merch, il y a tout. Vous pouvez acheter le livre à Eric. Vous pouvez acheter mon livre, si mettons ça autant. Donc, bref, tout cela étant dit, on va maintenant y aller avec. Mikey, t'as-tu quelque chose à nous. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! As-tu assez dit deux fois le mot télé? Je pense non, télé, pas encore. Télé. Tu veux qu'on rajoute un écho à ton écho? Ah ouais. Hein? Écoception. J'ai essayé une fois, puis c'est pas. Non, ouais. C'est pas mal plus déplaisant que ça n'a de l'air. Donc, chronique télé. Puis là, moi, puis Phil, ça faisait un bout qu'on n'avait pas été dans le show ensemble. Dans le même environnement. Dans le même environnement, ce qui va nous permettre de faire notre récapitulation oui. De la saison 3 du Mandalorian qui a pris fin la semaine dernière, dans le fond. Tout à fait. Et on n'en a pas parlé beaucoup pendant la saison, un peu, mais très vaguement. On l'a fait par exprès. On attendait que ce soit fini pour faire le tour, je pense. Non, c'est ça. On n'était pas tout à jour non plus. Fait que, là, on a pas mal tout vu, tout au complet. Tout à fait. Fait que il va y avoir un tantinet de spoilers, mais on va les saupoudrer. On va les saupoudrer. On va essayer de pas gâcher le punch à personne. Mais on va en parler de façon plus générale. Je vais sûrement échouer là, mais je vais essayer. Yes. Donc saison 3 du Mandalorian qui s'est terminée il y a une semaine. Donc saison de, si je ne me trompe pas, c'est 8 ou 9 épisodes. Enfin, même 9. 8. Il y en a 8. Il y en a au moins 8. La mais saison comment... est mitigée, hein? Ben, c'est parce que sur Internet, les opinions variaient pendant le déroulement de la saison. Oui. Parce qu'il y avait clairement dans cette saison-là un arc narratif autre. Continu pendant toute la saison. Et il y avait aussi, à un moment donné, deux, trois épisodes filler qui étaient des exercices de style. Un peu comme il y avait eu dans la première saison où tu avais un épisode qui était plus style western. Non, c'est dans la deuxième saison, il y a un épisode western avec Ahsoka et tout ça, avec le duel. Puis là, tu avais un épisode plus une enquête d'NCIS au travers, puis tu avais un autre. Il l'avait déjà fait dans la saison précédente, mais pour une raison bizarre, l'Internet semblait beaucoup plus sévère à l'endroit des fillers dans cette saison-ci que dans les saisons d'avant. Pas juste les fillers, la saison en général. Je pense que c'est parce que le feeling était très différent. Parce que Mandalorian, on va se le dire, c'est un western spaghetti dans l'espace. C'est vraiment un gun for hire, comme on dit, et il s'en va de mission en mission pour régler ces missions-là. Puis, il y a souvent un arc narratif quand même dans la série, mais c'est pas... ça qui est important. Tandis que là, l'arc narratif de la saison a pris plus d'importance que le concept général de l'émission, je pense. Puis, il y a des gens qui ça déplut. Oui, mais je suis un peu surpris que des gens soient surpris de ça, parce que la façon que la saison 2 avait terminé, on savait clairement où c'est que la troisième saison va aller. Parce que là, il installait Bo-Katan, le Darksaber, l'aller rechercher Mandalore... Tu viens de mettre le doigt sur le problème sans t'en rendre compte. Ben, c'est que, dans le fond, ça prenait pas la tête à Papineau à ce moment-là pour catcher que c'est vers là que ça allait. Mais toi, Eric, t'as écouté Boba Fett. J'ai pas écouté Boba Fett, moi, puis ça me dérangeait pas que, ça prenne cette direction. Ouais, la saison 2, Grogu va s'entraîner. Bon, on va le dire, c'est la saison 2. Luke Skywalker apparaît à la fin de la saison 2 pour prendre Grogu sous son aile. Et puis, au début de Mandalorian, le maudit lait bleu, hein? Non. Non? Non, oh. Ça, c'est dans la nouvelle trilogie. Puis, c'est, ça n'existe pas, ça, Conan. Ça nice. Pas. Donc, il s'envole avec Grogu pour l'entraîner. Et puis, dans saison 3, les gens qui n'ont pas suivi Boba Fett, ben, Grogu il est de retour, ils ne savent pas pourquoi. Il fait juste arriver comme ça. Ben, il fait juste arriver de même. Ils n'ont même pas fait un recap de, genre, dans les épisodes précédents. Ils auraient dû faire ils ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça dans l'épisode de... Non, c'était vraiment épisode précédent de Mando. Ils n'ont pas fait épisode précédent de... Il aurait dû inclure le segment de Boba Fett, mais ils n'ont pas fait. Dans Boba Fett, donc, les deux derniers épisodes, c'était... Non, pas les deux derniers, c'était deux dans le milieu de la saison. Ouais. Ah, OK. Parce que c'était à propos de Mando, quasiment uniquement. OK, mais t'as peu, là. Oui. Là, Grogu, il est dans Boba Fett au départ, puis il a migré vers Mando. Non, il est dans Mando au départ. Puis il a migré vers Boba Fett. Et puis, Boba Fett, Mando, il y a eu des... T'as eu deux épisodes de Mando dans la saison de Boba Fett. Dans Boba Fett, OK. Il y a eu du cafouillage derrière les rideaux. Et puis, ils ont rempli ça avec... deux épisodes de Mando qui étaient supposés être dans la saison 3. Et puis, ces épisodes-là sont excellents, mais ce qui est plate, c'est que Boba Fett a perdu un peu son shining spot dans sa propre série. Et puis, ceux qui n'ont pas suivi Boba Fett parce que les reviews étaient moyens n'ont pas vu Grogu se réunir avec Din Djarin. Donc, c'était confusant pour la majorité des gens. Pour toi puis moi, Eric, ça l'a pas été pantoute parce qu'on a tout suivi ça puis on a tout aimé ça. Pour la majorité des gens, Grogu égale bébé Yoda. Din Djarin égale Mandalorian. Ah, tu vois, ça, je savais pas. T'as dit Din Djarin, je vais pas dire c'est qui, je vais pas demander c'est qui parce que je sais pas c'est quoi, là, mais OK. Je m'excuse d'être un peu trop geek. Ben non, mais c'est correct. Là. Mikey G, votre plus commun dénominateur. Merci, Mikey. Et là, Pour en revenir à ce que je disais, c'est que, c'est ça. Déjà, en partant, la saison 3 est partie avec une prise au bâton. Et puis, se déroulant, les gens, je pense, étaient impatients aussi de comprendre l'arc narratif. Ce qui fait que la critique a été très sévère dans l'ensemble des épisodes. Mais je pense que dans l'ensemble de la saison, je comprends les déceptions des gens. Mais je pense qu'on a eu une très bonne saison. La saison 2 s'est terminée tellement sur un high note émotif. Personnellement, je le dis, je suis un adulte homme et j'ai pleuré de voir Luke Skywalker apparaître. J'étais très ému. Okay. Dès que le X-Wing embarque, Quand tu le vois arriver en. Des frissons. Là, tu vois le lightsaber vert avec. Là, il est en noir et blanc quand tu le vois le premier coup. Mais tu vois la main mécanique. Là, tu comprends la main gantée. Oui. Là, j'ai fait, non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Là, il apparaît. Tu fais, oh yes! J'attendais ça depuis 1983. Ça a marché. Si ça t'a touché à ce point-là, ça veut dire qu'ils ont réussi à deliver le emotional payload. Puis tu peux pas faire une saison 3 qui finit sur un tel high note. Ça se peut pas. Pas pour ceux qui ont écouté des films. Par contre, ceux qui ont suivi Rebels et Clone Wars et toutes les versions animées de Star Wars. Je pense que t'avais l'équivalent. Ouais, c'est ça, le Filoniverse, comme on dirait. Eux, ils ont peut-être eu l'équivalent de cet impact-là avec les deux derniers épisodes, parce que là, t'as un gros fin d'arc qui se fait avec Bo-Katan, avec Mandalore. Mais combien dans toutes les le nombre de fans de Star Wars qui sont adeptes du Filoniverse, il y en a beaucoup, mais c'est pas la majorité. Ce que Mandalorian a réussi à faire, Eric, c'est attraper le casual fan de Star Wars qui n'écoute pas Star Wars, qui ne comprend pas Star Wars, les Star Wars moms que leur fils trippe sur Star Wars. Puis là, il fait comme, je catch pourquoi qu'il aime ça à cette heure. Puis ils ont commencé à embarquer là-dedans parce que c'est un Western Spaghetti simple à suivre. C'est du épisode à épisode. Et puis là, ça a vraiment cassé un peu ce modèle-là. Mais pas assez pour que ça soit confusant. C'est quand même relativement clair puis straight. Là. Ce que j'ai aimé de la saison 3, c'est que tu suis... Il y a un arc narratif qui est quand même présent. Il y a une histoire du début à la fin. Mais épisode par épisode, on dirait que la production s'est dit... On va se gâter en faisant des styles, des atmosphères vraiment différentes. Ils sont vraiment allés dans tous les styles possibles. C'est un exercice de style. Il y en a un qui c'était une enquête. Cet épisode-là a mal passé avec Jack Black. Et pourtant, moi, je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé le fun. Ouais, j'ai trouvé ça bon. Écoutez, moi, j'ai pas écouté la série, là. Mais quand j'ai juste vu ces images-là, j'aurais mis 100$ à la table que c'était un sketch d'SNL. Ça avait pas l'air de Star Wars, ça avait l'air d'une parodie de Star Wars. Puis là, je vois la scène jouer, puis j'ai comme, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais on dirait que ça veut être drôle. Mais on dirait que ça, dans le ton visuel, là, on dirait que ça veut être Spaceballs. Sans pas suivi la série, Conan. Non, mais c'est ça, mais moi, j'ai dit juste qu'avoir vu ça de même, c'est ça que ça sort. C'est comme, En contexte, c'est moins, c'était moins pire. C'était moins jarring parce que c'est setupé vers là. Mais hors contexte, c'est insane. Tu sais, quand il arrive dans le bar... Oui, je m'excuse. Je suis into the wild. quand il arrive dans le bar, c'est un bar de droïdes. Mm-hmm. Puis... j'ai trouvé la joke, la référence, je pense pas qu'ils servent notre race ici. Ouais. Mais il y avait quand même des affaires à la fin. Puis ce que j'aime, c'est que vu que c'est à propos d'un chasseur de primes qui se promène de place en place, fait différents jobs, c'est la série où tu peux jouer avec les styles puis essayer des choses. Oui. Puis ils se sont permis de le faire. Fait que je trouve des fois que la sévérité de certains fans, alors qu'ils se permettent, tu sais, je veux dire, créativement parlant, la série te donne une marge de manœuvre. Ils l'utilisent puis ils se font critiquer pour ça. Je trouve ça un peu mais regarde, écoute, mal intentionné. Je trouve que les fans en général sont rendus très difficiles à satisfaire. non, même moi je me compte là-dedans. Sauf que là, moi je trouve que la saison s'est bien déroulée et de voir l'arc narratif des Mandalorians enfin réglé ou avancé de façon majeure pendant la série, c'est donc une conclusion de plusieurs épisodes de Clone Wars, là. Non, non, c'est ça. Et en plus, tu sais, sans spoiler la fin, on va tout simplement spoiler ou divulgacher. Spoiler. En français. Divulgacher. Divulgacher ou spoiler. Mais spoiler, ça existe. Oui, c'est le vrai, c'est le mot en français, spoiler. Tout ça pour dire que... Ne spoiliez pas le milk. La façon que la troisième saison finit, elle boucle non seulement l'arc de la saison 3, mais elle boucle l'arc des trois premières saisons et laisse les personnages principaux dans une situation qui est complètement ouverte créativement. Là, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec. Ils ont un setup fixe. Ils peuvent l'intégrer à d'autres séries s'ils veulent. Ils peuvent restarter une saison 4 ou pas. Ouais, c'est ça. Ben, ils vont faire la saison 4, puis je sens une petite divulgage et rien. Ce qui est, ça conclut sur, dans le fond, un peu un send-off qui nous dit où est-ce que ça va s'en aller vers la prochaine saison. Puis on sent que... il y a eu de la récupération qui s'est faite là, parce qu'il y avait une série qui n'était pas supposée de se faire avec Cara Dune, le personnage de Gina Carano, Ranger of the New Republic. Mm-hmm. Et puis cette série-là ne se fera pas à cause de propos que Madame... Ouais, c'est ça, Gina. La Madame s'est peinturée dans un coin sur Twitter. Ce que personne ne fait. Là, mais tu sens que la saison 4 va s'en aller vers ça, parce qu'à la fin de tout, on voit Mando qui va approcher la Nouvelle République pour dire « Je vais aller patrouiller les secteurs inconnus de la galaxie. » On va faire ça un peu sur le side, pour vous autres. C'est ça. C'est vraiment assez open, c'est ouvert. Fait qu'on va retourner dans le concept du Western Spaghetti, j'ai l'impression. Là. Mais c'est ça, puis ils se sont pas peinturés. Tu sais, je veux dire, regarde comment la saison de Obi-Wan avait terminé. Où est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait assez de cramer le plus de solutions in extremis pour plaire aux fans le plus vite possible. Member berries, comme on dit. Puis ça faisait très précipité puis forcé. Alors que là, ça l'a fait une belle petite conclusion et ça l'a ouvert confortablement la situation vers de quoi qui... En tout cas, pour les scripteurs, je trouve que c'est parfait la façon dont ça a été terminé. C'est clairement mieux écrit que... La saison 3 était clairement mieux écrite que Obi-Wan puis Boba Fett. Là. Sans nul doute. Les deux séries dans l'histoire récente de Star Wars que vous devez d'écouter, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars. Je ne me considère pas fan de Star Wars, mais il y a Mandalorian et Andor. Ouais. Andor, c'est la seule affaire que je me dis, OK, je vais l'écouter. Mm-hmm. Parce que j'entends juste des bonnes critiques. Non. Conan, tu l'as pas écouté encore? Non. OK. Ça marche par mini-trilogie. Fait que, endors-toi pas. Dans les deux premiers épisodes. Okay. Le troisième s'embarque. Après ça reset un peu un autre arc narratif. Un autre trois épisodes. Oui. Okay. Encore tranquille. Après ça, ça très grosse bon action. Tout le temps. Mais mature. Du côté acting. Oui. Oh my God! Le meilleur acting que j'ai vu dans Star Wars depuis longtemps. Ouais, c'est ça que j'entends aussi. Point. Non, point. C'est du vrai acting. C'est du vrai acting. Mais c'est trop sérieux. C'est pas ce niveau-là. C'est une coche au-dessus. Là. Pense on vient d'enlever à ces acteurs-là, Eric. Pense aux deux, trois premières saisons de Game of Thrones. Où ce que là, t'as comme... C'est beaucoup de personnages que tu présentes, puis t'installes une intrigue, puis une tension qui est à couper au couteau. C'est le même style d'écriture. Ouais. Fait que c'est pas fait pour piou piou piou puis épater, puis c'est fait pour installer une situation puis de montrer à quel point ça peut être volatile puis que les personnages sont à risque. Puis c'est comme ça que la série se construit, Andor, et c'est fascinant parce que t'es dans la période où ce que l'Empire est comme dans son prime et la rébellion s'est pas encore formée, est en train de se former, mais okay, c'est très risqué de former une rébellion, mais tu peux pas te détecter, tu veux pas qu'ils sachent qu'il y a du monde qui se réunisse et qui s'organise. Mmh. Fait que la situation est très... J'ai aimé la façon que ça a été écrit puis que ça a été buildé. Endor a prouvé que tu pouvais faire le space politics que George Lucas voulait dans l'épisode 1, 2, 3 de oui. façon intéressante, avec le Sénat. Intelligente oui. et vraiment amener les choses à un autre niveau. Parce que t'as un personnage qui se trouve être un bureaucrate okay, de l'Empire puis qui essaie de monter les échelons mais de façon comme un peu hypocrite alors qu'une autre, elle, est en train de monter les échelons. Puis essayer de ne pas se faire manipuler par le monde. C'est clairement un thriller politique par bout. Là. C'est vraiment solide. Ouais. Parce que tu as des personnages des deux côtés, à peu près à égale partition, dans le fond. Okay, ouais. Tu sais, tu as des personnages du good side, du bad side, puis tu es suis un peu tout ce beau monde-là jusqu'à ce que ça se croise. Et c'est fascinant de les voir se croiser. Donc, oui. Andor, tu peux pas faire une deuxième saison parce que là, ils sont rendus au bout que tu sais pour Rogue One puis tout ça. Fait que c'est comme un one and done. Non, il y a une saison 2 qui s'en vient. Oh, oui. Ah, ils vont avoir une saison 2? Oh oui, je confirme. Puis okay. Le personnage joué par Stellan Skarsgård. Faut pas qu'on construise une deuxième Death Star. Je sais pas s'ils vont la jumper dans non, le temps, la série. Écoute, ou, mais là, on est pas mal, on est avant ouais, c'est Rogue ça. One. On c'est est, ça. On est pas mal avant, là. Ils ont, non, ils c'est ça, ça va tout se passer avant l'épisode 1, parce que si ça s'appelle Andor, c'est le nom de famille de Cassian Andor, et Andor meurt avant que l'épisode 4 commence. Mais peut-être que ça s'appelait Endor saison 2 de Revenge of l'autre planète. Là, quand... Ou c'est le fantôme d'Endor dans un droïde. N'importe quoi avec ça. Mais en tout cas, c'est ça, comme je te dis, le personnage de Stellan Skarsgård non seulement offre une performance d'acting incroyable, oui. surtout à un point en particulier dans la série, mais ce personnage-là, Luton, joue le double jeu. Et... C'est lequel des frères Skarsgård, là, celui-là? C'est le père. C'est le père. Ah, c'est papa. Okay, ouais, c'est papa Skarsgård. Okay. Il est excellent. Et mais, comme je te dis, le personnage joue double jeu. Il joue tout ce qu'il y a en jeu pour lui contre l'Empire. Donc, aussi, il starte la République avec Mon aussi, elle aussi, elle a très bon rôle. C'est capoté de voir dans quelle situation qu'elle est placée en tant que sénatrice, puis que sa famille est utilisée contre elle comme manipulation. Puis tout, ça l'offre les meilleures scènes de combat spatial que j'ai jamais vues depuis un bout. Parce que je m'attendais de voir ça dans mettons, Boba Fett. Puis il y en a sont pas. Sont courtes, mais sont intenses. Oh mon Dieu, c'est tellement hot. Non, puis même dans la saison 3 de Mandalorian, on va y revenir, parce qu'il y avait quelques petites scènes de vaisseaux qui étaient capotées raides aussi. Là, oui, mais je m'attendais à ce que ça finisse en gros space fight, comme un peu Retour de Jedi, Empire. Il y a beaucoup de. Tu sais, les space fight, le fun, comme dans Rogue One. Il y a beaucoup plus de combats, des guerres gangs. Des guerres gangs. Oui, j'adore ça, la manière que. Puis il y a des duels aussi. Entre des gens du peuple Mandalore, puis tout ça est incroyable, là. La manière que l'antagoniste principal a réussi à amalgamer tous les pouvoirs, les meilleurs pouvoirs de toutes les espèces différentes. En tout cas, Moff Gideon, il est très hot. Je l'aime. C'est vraiment le fun. Oui, mais bon, encore une fois, un bon casting. Je veux dire, excellent casting et son costume était révélé au complet dans cette saison. Tout à fait. Puis tu vois qu'il est comme. Il a imité le style des Mandaloriens pour son casque, ne serait-ce que pour les narguilés. Les disciples de Darth Maul. Yes. Parce que c'est ceux qui ont suivi Clone Wars savent que Darth Maul a dirigé les Mandaloriens avec le Darksaber pendant un bout. Donc, les Mandaloriens qui ont des pointes sur leur casque font partie de cette caste-là. Bon, ben, on s'acharnera pas tant que ça sur les pointes. On va, à la place, vous inviter à rester des nôtres. On passe en pause et on vous revient tout de suite après, dans le fond, la dernière partie de l'émission. Et là, on va parler à Conan, on parlait de télé, on va parler de films. J'en ai vu. T'en as pas 365, mais t'en as vu quand même. On va en reparler d'ailleurs. Donc, allez, restez des nôtres. C'est les Geeks Contre-Attaque édition Radioton, 50e anniversaire. Donnez à l'encan. Ben oui, donnez à l'encan. CKRL 89.1. 50 ans de radio communautaire. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigane, le Bal du Lézard, Audiolite, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun,

Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thouin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et nous voici de retour avec les lots de l'Encan CKRL. On vous en parlait il y a quelques instants. La programmation du domaine Forget de Charlevoix fait partie des lots que vous pouvez vous offrir. C'est le lot numéro 65, on le disait. $100 à utiliser pour n'importe quelle représentation de la programmation de cette année. Et on le disait, Louli, notamment dans les artistes qui vont se présenter. Guylaine Tremblay. Exactement, Guylaine Tremblay, pour l'instant, en effet, le mid-sexuel est de $80, donc aller voir un artiste pour $80, c'est intéressant. Absolument, car Guylaine a composé un show humoristique, dont voici un petit extrait pour vous donner un petit aperçu. Yvon Deschamps, il a écrit une chanson, ça s'appelle « Les fesses ». Les fesses ! Je pense qu'il dit le mot « fesses » 108 fois dans sa chanson, je sais, j'ai dû compter. Vous vous tenez pas des fois? Non! Oh, où c'est qu'on s'en va? Voilà, on reconnaît bien Guylaine Tremblay évidemment dans ce show qui fait partie de la programmation 2023 du domaine Forget de Charlevoix. On l'a dit, c'est le lot numéro 65 pour le moment, encore un 20% de rabais sur ce lot-là, c'est une aubaine. On part du côté des œuvres cette fois-ci parce que l'affiche officielle du Radioton de CKRL, qu'on peut retrouver évidemment notamment sur les pages des réseaux sociaux de CKRL mais aussi le site internet, est à vendre en grand format. Exactement, donc l'illustration officielle dans une reproduction sur toile encadrée, on en a 4, donc le lot 69, 70, 71 et 72, deux tailles différentes, une valeur respectivement de $300 et de $500. Donc vous pourriez miser sur le 11 pouces par 14 pouces qui est seulement à $160 pour le moment ou sur la 24 pouces par 30 pouces qui est à $250 en ce moment pour une valeur de $500, donc moitié prix pour ces reproductions. Exactement, deux reproductions qui sont sur toile et encadrées naturellement. CKRL.qc.ca pour miser au 418-640-2575. Les geeks contre-attaquent jusqu'à midi et demi. Bonjour, ici Millimétrique. Je vous invite à encourager et donner généreusement à CKRL pour une indépendance de la radio, la vitalité de la radio à Québec et surtout l'avenir prospère de CKRL. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizza et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse des Jardins de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse des Jardins de Limoilou est fière de s'associer au Radioton des 50 ans de CKRL. Un événement radiophonique majeur et essentiel pour la croissance d'un média local de grande qualité pour notre communauté. La Caisse remercie ses 43 000 membres qui ont rendu possible le versement de près de $700 000 dans Limoilou en 2022 et qui bénéficie au développement des organismes culturels et sociaux tels que CKRL. Félicitations à tous les artisans et bénévoles qui contribuent au succès de la station et soyez généreux. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cet épisode des Geeks contre-attaque. Funky. En ce dimanche, le 30 avril 2023, édition spéciale des Geeks contre-attaque, épisode 543, en direct du Radioton 2023 de CKRL, 50e anniversaire de la station. Et, hey, j'ai une exclusivité à vous donner. Ben, exclusivité. Une nouvelle. Un scoop. Un scoop. En cette heure même, à midi. Non, c'est pas vrai. À midi. On est midi. Là, il est midi. Là, il est midi. Okay. Midi. Fait que là, c'est ça le scoop. En 7 minutes présentes, le Radioton de CKRL Objectif 50 000 $. Objectif de 50 000 $. On est à 30 877 $. Fait que, hey, merci, quand même. Merci pour votre générosité. Mm-hmm. Full en délire. J'ai tendance à penser qu'on était à 29 avant qu'on commence à rentrer en onde puis qu'on a poigné le 30 000 à cause de 15, on était à 15 avant. On était à 15. On a poigné le 15, on a pris le 30 à cause de nous autres. De 15 à 30 à cause de nous autres. Okay. Oh, hey, je viens d'avoir une autre nouvelle. Il y a un site qui se promène en ce moment à Miami. Ah ouais. Dart de plage. De plage. Ah, oh, tabarouette. Ouais. Dart de pelouse, tant qu'à y être, là. Hey, non, c'est ça. Donc, vous n'aimez pas mes jokes de grand-mère? Vous n'aimez pas mes jokes de Star Wars? Qu'est-ce que je fais ici, moi? je ne répondrai qu'en présence de mon avocat ou d'autres fruits. Envoie les psy. Allons-y maintenant avec. On est présentement pendant, évidemment, les activités du Radioton 2023 CKRL. Vous voulez aider la station, faire des dons, il y a plein de façons de le faire. Donc, vous pouvez procurer la carte de membre sur le site web de ckrl.qc.ca. Il y a également un encan sur le site que vous pouvez aller voir présentement. Vous pouvez faire les dons directement sur le site ou par téléphone au 418-640-2575 ou sur place. Hein? Oui, il y a même de la marchandise promotionnelle. Là. Ben hey, oui, il y a de la merch, des t-shirts, des calottes. Je me suis acheté un beau vêtement que je ne porterai que dans le temps des fêtes. Oh, spécial. Je l'appellerai mon polo Noël. Ah, ah, ah! Succès! Succès, oh, Mikey, on a ri! Celle-là était correct. Oui, mais que. Merci. C'est une joke qu'il faut avoir 40 ans et plus pour comprendre. C'est ça, exact. Il y a tellement de monde qui ne sait pas c'est qui, Paul Noël! Oh my God! Hey, donc, on le salue du haut des cieux en passant. Oui, hein, il est plus avec comment nous, on le salue du haut des cieux? On n'est pas là. Ah, nous, on est mort. Plot twist, on est mort depuis tout ce temps-là. Oui, c'est ça. Ou on est peut-être juste dans un asile psychiatrique, en train de parler à un mur, mais dans notre tête, on est dans un show de radio. Tu sais, c'est comme ça se peut, là. Tout est possible. Donc, si vous voulez nous voir sur place, mettons qu'on n'est pas fou, qu'on est dans la vraie réalité. Hein? C'est au 405 3e avenue que vous venez au studio CKRL. On est au cabaret présentement pour la prochaine demi-heure. Mais venez vous faire vos dons en personne. Allez vous acheter de la merch. Il y a 3-4 designs de t-shirts, des casquettes, des trucs, toutes sortes de stocks. Venez acheter le livre à Eric. J'ai mon livre. Mais reste que il y a même des formats pour les petites personnes comme moi. Donc, ils ont des smalls cette année. Je suis content. Je suis vraiment content. Je vais m'en acheter vite. Donc, hey, maintenant, dernière partie de l'émission. Et on va y aller. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Ben là, tu sais, je me suis dit que vu que c'était le spécial du Radioton, j'allais faire un spécial film qui parle de radio. Au début, je me suis dit, 50e anniversaire, c'est comme le mariage d'or, danse d'or, ça fait qu'un film qui parle de l'or, mais finalement, j'étais comme, juste des films qui parlent de radio, ça va être en masse. C'était trop. C'était deux levels de référence, c'était trop même pour moi. C'était trop deep mon affaire. Fait que je suis juste allé faire une review de la fourchette d'or, là. C'était trop rendu creux. Ouais, exact. fait que j'ai écouté trois films qui parlent de radio ou que la radio est impliquée dedans. Oui. Il y en a un que vous pouvez trouver sur, en fait, deux que vous pouvez trouver sur Netflix et un troisième que vous pouvez trouver ailleurs. Avant, je veux suggérer une série qui parle de radio. Oui, non? Dr. House. Il y a beaucoup de radio là-dedans. Ah, des radiographies. Hein, c'est... Enlevez-lui le micro, quelqu'un. Jusqu'au dernier moment, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose, mais non, ça a l'air que... Non, ça le fait pas. Donc, premier film que j'ai écouté, c'était avec notre cher ami Ricky Gervais. C'est le film qui s'appelle Correspondants spéciaux. Je pense que je n'avais parlé quand il était sorti en 2018. Okay. Je l'ai réécouté. Et donc, avec Eric Bana, les noms principaux, c'est Eric Bana puis Ricky Gervais. Ricky Gervais, qui est un chief engineer de radio, qui doit couvrir une crise en Équateur. Mais il se rend comme pas finalement. Il fake de se rendre. Il est dans un restaurant à côté de chez eux avec du monde qui parle espagnol. Puis il fait semblant, d'être sur place couvrir pendant le temps de guerre. Exactement. Il fait semblant. Lui et Eric Bana, les deux font semblant de couvrir un événement. Mais tu sais, parce que tout le monde appelle, tu sais, mettons, eux se font appeler du studio comme, là, est-ce que vous êtes rendu? Parce qu'on a entendu que les barrières étaient fermées, puis les frontières fermées, puis là, il y a des attaques partout comme, ah oh, oui, oui, on se fait attaquer, là, tout. Ah ouais, ah, c'est pas évident, là. Wow. C'est quand même. Le film est un petit peu décevant. Comme c'est bon pis c'est clever, pis il y a des très bons moments, Ricky Gervais. Eric Bana, il est le fun parce qu'il est vraiment chiant. Il fait comme une espèce de superstar de la radio qui est vraiment là, tout le monde est en amour avec lui, pis lui est trop hot, plus hot que tout. Mais c'est juste un gars de radio, là, dans le fond, mais il se la pète, tu sais, comme s'il était un chirurgien qui sauve des vies à tous les jours. Voilà, ben, c'est ça. C'est juste un. C'est un reporter, là. Ça fait mal d'entendre comme ça, mais je comprends. Ouais, mais non, mais c'est ça. Honnêtement, non, c'est la chimie entre les deux super bonne, des bons moments. Ça pourrait être vraiment extrêmement, tu sais, super clever, puis tout, puis ça reste un petit peu tiède. Okay. Malheureusement, tu sais, c'est une production Netflix, fait qu'ils vont jamais fall loin dans leur concept, dans leurs exécutions. Parce qu'ils vont avoir une bonne prémisse, mais t'as l'impression qu'ils n'ont pas poussé à son plein potentiel. Non, c'est ça, exact. Mmh. Mais c'est un film de 2016. Et c'est été dirigé par Ricky Gervais lui-même. Mais c'est ça, c'est pas dans ses meilleures affaires qu'il a réalisé, mais on sent que c'est pour ça que c'est clever, parce que Ricky Gervais, quand il met la main à la pâte, t'as toujours un petit quelque chose de plus que juste le scénario qu'on peut voir. Donc, special. C'est quoi, c'est-tu correspondant spécial en français? C'est. Special Correspondence. Ah, en hein? français, version hein? française. Parfait. J'imagine que ça serait nous divulgâcher de dire s'ils ont été punis là, après d'avoir menti. Ben, est-ce que l'Ombudsman a frappé? Il n'y a pas vraiment de surprise dans ce film-là. Ouais. Dis-toi que tout ce qui arrive, t'es comme, ah ouais, ça va. Ouais, c'est, sûr. Okay. C'est très conventionnel malgré le petit twist. Malgré la prémisse weird, ça redevient. C'est ça, ouais. Exact. C'est pour ça que j'étais comme, c'est correct, mais ça aurait pu être wow, puis c'est juste correct. Un deuxième film que j'ai écouté, ça c'est un film que j'ai vraiment. Ça fait presque partie de mon plaisir coupable, mais vu que j'ai pas de plaisir coupable parce que j'aime tout ce que j'aime, mais je comprends que je le dis pas tout le temps à tout le monde que j'aime beaucoup ce film-là, et c'est Joe Dirt. Avec David Spade! Avec David Joe Lacrasse! Joe Lacrasse en français. Joe Lacrasse! Ouais. Exactement. Donc, un espèce de moté concierge dans une station de radio. On n'utilise pas assez le terme moté. Là, c'est vraiment, j'ai choisi, là, c'est un moté. Oh, oui, c'est l'emblème. David Spade, du un film de 2001, ouais. Conan, on remonte loin. Oui, c'est quand même vieux maintenant. Et donc, lui qui cherche un orphelin. Ben, on a tendance à oublier qu'il y a eu des comédiens en 2001. Là. Oui. On s'entend-tu qu'ils ont moins élevé à cause. C'est sûr que. Ça a comme passé des fois un petit peu dans le beurre. Oui. Mais je me souviens quand ça c'était sorti, ça avait pas. C'est le genre de film qui a pogné 10 ans plus tard. C'est le genre de film qui était sorti. Film culte, le monde était comme, ah, tu sais, c'est correct, mais c'est 10 ans plus tard que le monde aura découvert, puis réécouté, puis ah, il y a normalement des scènes drôles, puis il y a normalement des bons moments, tu sais. Décidé de faire un deuxième, puis ça, là, c'est la vraie gaffe. Là. Ouais, le deuxième était pas très bon. Voilà. Tu es encore avec David Spade? Oui, oui. Ça se passe le temps de plus après, comme 10 ans après, je pense que ça se passe, puisqu'ils l'ont tourné 10 ans après. Mais le premier est concierge dans un genre de spot de radio. Concierge dans un spot de radio, puis vu qu'il est comme un personnage, c'est un truc de radio un peu à la Howard Stern, tu sais, comme Shock Jock. Il voit que c'est un personnage intéressant, puis décide d'y parler. Mais là, chemin faisant, il se rend compte que c'est un orphelin, puis lui, il cherche sa famille, donc il cherche sa famille à travers ses histoires, puis pendant qu'il compte ça à la radio, le monde devient de plus en plus populaire, donc le monde. Il croit en popularité à travers la radio. Et c'est étrangement super wholesome quand même, malgré le fait que c'est quand même très trash. Puis quand même. Oui, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que je suis pas. Moi, l'humour, pipi, caca, mais j'ai beaucoup de limites avec c'est ça. C'est pas tant pipi, caca, c'est plus des personnages qui font des choses douteuses, comme white trash. Oui, oui, oui. Ouais, ça joue avec le stéréotype. C'est ça, exact. Mais c'est pas tant. Tu sais, oui, il y en a un petit peu des jokes là, de pipi, caca, là, mais pas tant que ça. Puis je te dirais que la meilleure joke de caca est vraiment bonne. Une bonne joke de caca, ça parce vaut toutes les autres jokes de caca. Il y a un build-up, puis tu t'attends comme pas à ce que ce soit exactement ça. Puis quand ça arrive, t'es comme oh my god! Je veux pas te dire. On dit un pile-up dans les jokes de caca. Une bonne joke de caca. Donc, parce que moi, je pense l'avoir déjà vu, mais j'ai zéro souvenir du film. Honnêtement, ça vaut la peine de le réécouter. J'ai été surpris comment c'était wholesome, puis comment que c'était positif, parce que le personnage est d'un positif incroyable. Okay. Il se fait écœurer, il se fait battre, il se fait tout, mais lui, il se relève comme non, ça m'a rien fait, je suis encore là. Hein? Puis il est comme très. Okay. Il est inarrêtable, puis il est super positif avec tout le monde quand même. Le monde l'insulte, puis il veut quand même, il est fin qu'eux autres, pareil. Puis il essaye de devenir quelqu'un qui voudrait être genre fier d'eux, on dirait. Il est comme d'une résilience crasse. Incroyable. inexorablement jovial. Oui, exactement. Puis il est un peu ridicule. Au début, tu ris de lui parce que comment on... En plus, avec ses cheveux, c'est une chose de coupe d'un ouais, pad. Ouais, c'est ça, un mullet. Mais ça, c'est une perruque qui a fusionné sur sa tête. Là. Oui. Il n'y a pas ça pour rien. C'est parce que quand il était jeune, il y avait un trou dans la tête. Genre, ses os n'étaient pas bien formés. Fait que là, c'est pareil, ils ont mis une perruque de. Puis ça a fusionné avec, puis il était comme pogné avec. Fait que c'est pour ça qu'il y a un mullet depuis qu'il est kid. C'est parce qu'il y a la même perruque quand tu le vois petit que quand tu le vois adulte. Okay. Parce qu'il y a une perruque, tu peux pas couper les cheveux de ça. Mais non, mais lui. Mais non, ben ils repousseront pas. Tu sais, tu peux pas. C'est... Fait que non, honnêtement, Joe Dirt, là, c'est une belle perruque. Sérieusement, je me rappelais. Puis là, je me demandais où c'était allé avec Joe Dirt parce que je me rappelais pas que ça avait rapport avec la radio. Ben oui, c'est ça. Ça se passe principalement tout à travers la radio. Puis à travers chaque jour qu'il arrive, il raconte son histoire en rentrant à job. Tu sais, puis là, hey, Joe, t'es dans le studio 20 ans, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui, Joe? Ouais, donc là, moi, ma mère, elle m'a laissé quand j'étais jeune dans le parc, dans le parking du centre d'achat, puis je l'attends, elle est pas revenue. C'est pas grave, la vie est belle. Oui, c'est ça, il est full positif. Oh my god. Oui, donc Joe Dirt, malgré ses allures de trash, ça reste un feel-good movie quand même pour moi. Good. Surprise. Oui, une belle surprise. Et puis, un autre que j'ai écouté, je me souviens d'avoir vu le trailer dans le temps, puis je me souviens d'avoir fait comme n'importe quoi. Puis quand je l'ai écouté, j'étais comme ça le fait au bout, puis je suis plus touché que je pense. Et c'est le film Fréquence. Avec Dennis Quaid Jim Caviezel, exact. Ils ont fait une série récemment à partir de cette pour vrai? Oui. Mais c'est quoi? Je l'ai marqué dans mes notes comme c'est un trop bon concept pour pas faire une série. Parce que c'est dans le fond, c'est après une espèce d'accident, après une espèce de tempête galactique. Il y a une radio qui peut comme fonctionner à travers le temps. Donc, un fils se retrouve à parler à son père dans la radio AM, la radio courte qu'ils ont dans la maison, tu sais. Okay. Puis il se rend compte. Vraiment vite, là, que tu sais, c'est mon père qui est mort, puis l'autre c'est mon fils, puis là, il essaye un peu de déjouer la game, de comme tu vas mourir telle journée, vas-y pas, puis il déjoue la game, puis il se laisse des messages à travers des endroits, puis des. Tu sais, à un moment donné, il burine sur le bureau des choses pour que l'autre il le voie 20 ans plus tard, tu sais. Parce qu'il faut qu'il joue dans le temps quand même. C'est du monde qui communique à deux époques différentes. C'est ça, exact. Il y en a qui essaient d'éviter le sort qui va arriver. Exact. Me rappelle un peu la prémisse de Your Name de Makoto Shinkai, où c'est un genre de. Qui est l'affaire de voyage dans le temps et de prévention. C'est un genre de body swap entre deux époques. Là, c'est weird, c'est pété raide, mais c'est le même principe. Il y a un peu de ça, mais là, c'est un fils qui a perdu son père jeune, qui reconnecte. En plus, il reconnecte avec toutes les affaires qu'il n'a pas eues, toutes les affaires qu'il a voulu dire. Puis il y a plein de petits concepts vraiment cool, comme mettons qu'ils réussissent à changer le outcome. Ben, le gars, dans Jim Caviezel, il disait, j'ai des nouveaux souvenirs qui me sont apparus. Comme puis, okay. Il n'explique jamais pourquoi, mais c'est tout dans les émotions des personnages, puis le fait que deux personnages communiquent à travers le temps. Il y a même une scène où le personnage, il se parle à lui-même, puis il dit, hey, moi, je suis Santa Claus, puis je vais te donner un cadeau, là. Ben oui. Puis il dit un mot que j'étais comme, il aurait dit l'autre mot, ça aurait été tellement visionnaire, trop hot, mais il dit à son plus jeune lui-même, il dit, souviens-toi d'un seul mot, puis c'est Yahoo. Il a dit Yahoo, pourquoi? Non, souviens-toi juste du mot Yahoo, là, marque-le sur un papier, puis garde ça, puis tu vas voir. C'est à quelle époque que le film est sorti? C'est comme, comme 2000. OK. Ça s'appelle Frequency. C'est ça. S'il avait dit Google à la place, ça aurait été comme le coup de la. Tu sais, visionnaire 10 sur 10. Là, mais bon, Yahoo. Dans le passé, il dit de se souvenir. En quelle année qu'il dit de se souvenir de ça? Ben, il dit à son. Tu sais, comme mettons qu'on prend en considération que le film se passe dans l'année dans laquelle il se trouve, fait que. 87, 88. OK, trop tard, parce que le vrai mot, c'est Apple. Mais tu comprends que. Oui, non, mais dans le sens que. Tu sais, dans cette année-là, c'était Yahoo qui était la grosse affaire. Tout à fait, je comprends. Puis le pire, c'est que ça aurait pas pu arriver si le script avait été écrit en 2012, parce que depuis 2012, Aiguille contre-attaque protège l'humanité des rayons solaires. Voilà, ça aurait pas pu arriver. Donc, ça aurait pas été plausible comme contexte. Tu sais, je veux dire, là, on est là. On empêche maintenant le voyage dans le temps. Ça a un prix, protéger l'humanité. Oui. On empêche les voyages temporels. Oui. Ben oui. On est juste du monde de radio, comme tu disais. Juste du monde de radio, mais c'est ça. Non, mais le pouvoir ordinaire des gens, c'est ça. C'est ça. Mais tu m'intrigues, j'ai jamais. Honnêtement, là, c'est bien meilleur que dans mon souvenir. Parce que quand je me souviens d'avoir vu le trailer, j'étais comme, c'est n'importe quoi. Mais quand je l'ai écouté, j'étais comme, non, c'est bien fait, c'est touchant. Dennis Quaid. Honnêtement, Dennis Quaid, je le trouve très underrated comme acteur. Oui, le meilleur des deux Quaid. Il a jamais. Ben, oh my god. Randy, ouais, c'est spécial. Là, mais... Il a tellement jamais été mauvais dans aucun film, Dennis Quaid. Il a peut-être pas fait tout juste des bons films, là, mais il me semble que lui, en tant que tel, j'ai aucun souvenir de lui qui gâchait un film ou qui gâchait une scène. On dirait qu'il y avait toujours une performance qui allait élever. Peu importe la grosseur du rôle qu'on lui donnait, ça élevait. Il a joué dans The Day After Tomorrow. Mais ça, c'est le problème, c'est pas Denis Wayne. Non, mais c'est ça, ouais. Oh, wow, The Day After Tomorrow. Ouais, le jour d'après. Mais j'avoue qu'il a fait, il a fait plus qu'un film destruction de même. Ah, oh, c'est très possible. Écoute, il a fait une coupe quand même. Hey, il a fait Inner Space, ça, c'est bon. Oh, oui. Hey, oui, c'est vrai, je me suis dit, c'est Inner Space, t'es cœur, hein, avec Martin Short. Hey, oui. En plus. Ouais. T'es un excellent acteur, moi, je suis. Parce que moi, tu me parles de films de radio, le seul qui me vient à l'esprit que j'ai vu très jeune, puis c'est un des films qui m'a donné le goût de faire de la radio quand j'étais jeune, c'était, voyons, avec Christian Slater, là, c'était... Ah, Pompom de Banlieue. Oui, oui, c'est il était dans ma liste de films que je voulais écouter, mais j'avais pas le temps à matin de tous les écouter. Nul de coup, ça. C'est un peu ça que je voulais réécouter, comme, okay. C'était quoi? Oh, tester. Ça, puis c'était comme Radio Pirate, ça me semble, là. Il mettait de la toune un peu intense, puis ouais, je me souviens plus trop de... Pourquoi je réécoute? Ouais, moi aussi. Mais sinon, dans les films plus récents, il y a Vast of Night, que j'ai parlé l'année passée. Oui. Qui se passe dans une station des années 50. Sinon, il y a Pontypool aussi, une espèce de film de zombies à travers la radio. Moi, j'ai comme un film, c'est pas de la radio, c'est de la télé communautaire, mais un classique, hein, UHF, avec Weird Al. On parlait de concierge de station. Ça faisait au moins trois épisodes des Guy Contre-Attaque qu'on n'avait pas parlé du UHF. Ouais, au moins c'est important de parler du UHF. Mais ce qui est important aussi de parler, c'est qu'on est déjà rendu à la fin de l'épisode, tabarouette. Alors, tout d'abord, ok, ce que j'aimerais faire, ok, c'est que le donne-moi une seconde. Est-ce que non, c'est juste savoir si le. On est là. Ok, c'est parce que vois-tu, j'ignore certaines choses. C'est la première fois qu'on fait le show live dans le cabaret de, ben le cabaret, le studio, le grand Radioton d'année. Reste que. Etc. Tout d'abord, on fait partie de la programmation du Radioton. C'est quand même le 50e anniversaire de 2023. C'est pas la 50e fois qu'on le fait en 2023. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. C'est une belle Éric salade Fafarala. De mots, ça. Excusez, c'est une tuile. Oui, tout à fait. Et donc, je voudrais d'abord remercier ces gars-là de nous accueillir et de nous permettre de faire le show live sur des chaises, comme si on faisait un talk show télé. C'est comme surréaliste. Mm-hmm. Hein? Tabarouette. Je voudrais remercier, bien entendu, mes collaborateurs. Tout d'abord, merci à Colin Arsenault. Merci à toi, mon cher. Yes, merci à Philippe Jean. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Yes. Merci à Mikey G. Ça me fait donc bien plaisir. Et regardez, 365 films en 365 jours, le défilme, Éric Lajoie. Achetez-vous son livre, mais surtout, contribuez au 50e Radioton. Yes. En participant à l'enquête. Yes. Aujourd'hui, c'est pour le Radioton. On est à 30 877 à l'heure de midi. Le livre, c'est le lancement officiel à la Barberie le 9 mai. Plus d'informations sur la page des Guides Contre-Attaque sur Facebook. Merci aussi à la régie, donc Simon Roy et Samuel Lauzon. Et merci à vous autres de nous suivre toutes les semaines. Je sais qu'on n'est pas les mêmes heures que d'habitude, mais pas grave. La semaine prochaine, on est de retour à la case habituelle pour d'autres niaiseries et choses du genre. Mais ben, de l'autre côté de la pause, le Radioton se poursuit. Ah oui. Tout à fait. Donc, c'est déjà ce qui m'a fait l'émission. Merci d'avoir été là. On se parle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks! CKRL 89.1, 50 ans de culture.